La légende de Godiva par Philippe Daril. Coventry, dans le Warwickshire, est une bonne ville et un ancien bourg, relevant du diocèse de Worcester, à 90 milles de Londres. On y admire une belle église ogivale, et il n'est guère possible de faire 10 pas dans ces rues étroites sans tomber en arrêt devant une maison à chevrons, une jolie porte, une vieille enseigne ou une pierre sculptée. L'hôtel de ville, ou Guildhall, qui est aussi de la meilleure époque gothique, montre avec orgueil une immense verrière, un curieux plafond de chêne et surtout une tapisserie d'Arras, haute de 36 pieds, large de 10, où l'on voit Henri VI, la reine Marguerite, le cardinal Beaufort et beaucoup d'autres illustres personnages. À côté de ces respectables monuments du passé, on trouve de grandes fabriques de rubans, un théâtre, une caserne de dragons et même un skating rink. Tout cela pourtant serait insuffisant à tirer Coventry de la foule des bonnes villes si sa célébrité ne reposait sur 2 colonnes indestructibles, un dicton, une légende. Le dicton, qui ne le connaît? Envoyer quelqu'un à Coventry, c'est le mettre en quarantaine. Remède souvent indispensable au collège, au club, aux messes d'officiers, partout où les exigences de la vie commune font d'un mal appris une véritable plaie publique. L'application de la peine est-elle jugée nécessaire? On se donne le mot. On s'entend pour supposer, par une fiction ingénieuse, que le coupable a disparu. S'il entre, on ne remarque pas sa présence. S'il parle, on ne lui répond pas. À table, les plats passent, sans s'arrêter, au-dessus de sa tête. Au jeu, il n'a point de rôle. C'est la conspiration du silence. Puis, un beau jour, quand l'expiation est jugée suffisante, on accueille le malheureux par des sourires et des poignées de main. Chacun lui demande s'il a fait un bon voyage. Il arrive de Coventry. Quant à la légende, elle est partout, dans la poésie et dans la peinture, dans les récits de grand-mère et dans les chansons de la rue. À Londres, ou à Pékin, à Bombay ou à Malte, demandez au premier anglais venu l'histoire de Godiva. Il vous la dira sur l'heure, tout au moins comme il la sait. La légende, de sa nature, est chose changeante et qui flotte. Si vous voulez savoir celle-ci dans sa saveur et son exactitude, partez pour Coventry, je vous le dis au sens propre. Faites-vous montrer au fond de sa niche la tête de Peeping Tom, et déchiffrez aux archives de la maison de ville les chartes sur parchemin, à bulles de plomb et gros cachets de cire vierge. Retrouvez, s'il est possible, les cartulaires de Saint-Osbruge. Vous y lirez l'histoire vraie. La scène se passe à peu près en l'an 1000. On était à peine revenu de la grande peur de la fin du monde. Coventry était alors la capitale des comtes de Mercy, et le contraignant s'appelait Léofric ou Lerich. C'était un dur saxon, batailleur, ivrogne et glouton, toujours bardé de fer, chevauchant, guerroyant, détroussant, quand il n'était pas en ripaille. Voulant faire souche et prendre femme en légitime mariage, il avait été chercher la sienne dans un couvent prochain, où elle était élevée par la mère abbesse. Lady Godiva était une blanche et blonde fille d'Albion, toute jeunette et rougissante, timide comme un agneau, douce comme une colombe. Elle avait été instruite dans les pratiques de la plus sévère vertu. Sa chasteté était sans tache, sa pudeur si scrupuleuse, qu'elle semblait craindre de laisser voir au jour le bout de ses petits pieds ou la couleur de ses cheveux. Les brutalités du monde l'étonnèrent. Repliée derrière le retranchement de ses longues jupes monastiques, de ses guimpes pesées et de ses hautes coiffes, elle offrait à Dieu ses révoltes et passait en prière toutes les heures que lui laissait son époux. Tels les anges blonds qu'on voit aux vitraux des cathédrales agenouillés depuis des siècles. Lui, barbare, il avait coutume de plaisanter sur ses effarements de gazelle. Il en riait après boire avec ses lourds compagnons. Mais au-dedans de lui, dans les obscurs replis de sa conscience, il ne pouvait se défendre d'un respect involontaire et vénérait secrètement la faible créature comme un être supérieur et de perfection surhumaine. Cependant, il poursuivait son industrie féodale. Il arrêtait les juifs, pillait ses voisins, imposait les moines, trouvant qu'il était bon de vivre ainsi de la terreur qu'on inspire. Il en vivait, ma foi, le mieux du monde, et son coffre ne cessait pas de s'emplir. Mais il se vidait tout aussi vite, car le riche était un bourreau d'argent. Comme il rêvait un jour à quelque moyen d'en récolter sans peine, il remarqua que les bourgeois de Coventry prenaient du ventre et que leurs affaires semblaient prospérer. Tout le jour, du haut de son château fort, il voyait défiler sur le petit pont de la ville des charrettes pesamment chargées. De tous côtés, dans les rues, il n'apercevait que mine fleurie et souriante. Qu'est-ce ceci ? Se dit-il. Ces manants vont avoir trop de lard. Il faut penser à leur faire rendre gorge. » Et il frappa la ville d'un péage terrible, applicable à toute entrée ou sortie. Ce fut dans Coventry une consternation générale. Bientôt une famine atroce. Le blé s'arrêtait aux portes. Les matières premières manquant, toutes les sources du travail tarissaient à la fois. C'était pire qu'un siège. En quelques semaines, les bourgeois n'eurent plus que la peau et les os. Ils étaient parés à des spectres, et Coventry semblait habité par des ombres. Le pire, c'est que le péage produisait peu ou rien. Le riche en était dans une colère effroyable. Il menaçait de tout brûler si les choses n'allaient mieux. Qu'auraient pu faire les pauvres hères ? Réduits à leur plus simple expression, il ne leur restait qu'à disparaître dans le néant. Avant de s'y résoudre, ils résolurent de tenter un appel suprême auprès du seigneur comte. On tira au sort les députés. Tout maigres, rampants et aplatis, les ambassadeurs se dirigèrent vers le château, pensant bien marcher au supplice. Qui va là ? Ce sont les bourgeois de Coventry qui demandent à voir leur sire. Le riche était à table, dans sa grande halle resplendissante de lumière. Aux cheminées colossales brûlaient des troncs d'arbres entiers. Sur la nappe blanche s'étalaient des quartiers de bœuf rôti et des cuisseaux de venaison. La bière brune moussait dans les chopes. Les valets circulaient affairés et silencieux. Au bout, sous le dais, à la droite du comte, Lady Godiva mangeait, les yeux baissés, son dîner maigre. Des deux côtés de la table, les officiers de la maison faisaient honneur aux viandes. Au bas bout, un pèlerin déborait, sans maudire, la pitance de l'hospitalité. « Qui me dérange quand je dîne ?» grommela le riche, la bouche pleine. Les gens de Coventry claquaient des dents. Le fumet des plats chatouillait à la fois leur faim et leur terreur. « Seigneur comte, ce sont vos bourgeois de Coventry. Ils viennent vous remontrer humblement les douleurs de votre bonne ville. Douleurs telles et si effroyables qu'ils mourront tous avec leurs femmes et leurs enfants, à moins que vous ne daigniez les recevoir à merci. » Le riche jura épouvantablement. « Par les cornes du diable, de quoi me rebattez-vous les oreilles ? Et que puis-je à vos douleurs ?» Lady Godiva, tout effrayée, se signa deux fois coup sur coup. « Seigneur, s'il vous plaisait, nous remettre ce dur péage. » L'idée parut à le riche si nouvelle et si audacieuse qu'il en resta d'abord stupéfait. Puis, en voyant le côté comique et se renversant sur son fauteuil de chêne, il éclata d'un rire énorme, ouvrant sa lourde mâchoire saxonne et montrant ses dents de carnassier. Aussitôt, les officiers l'imitèrent. Ce ne fut pour un instant, dans la halle sonore, qu'un cliquetis de côtes de maille soulevées convulsivement par l'hilarité. Le riche en avait les larmes aux yeux. « Ah oui, da ! » articula-t-il enfin. « Vous remettre le péage. » « Le remède est ingénieux. Que ne me demandez-vous tout de suite de vous offrir 4 repas par jour ?» Et il se remprit à secouer sa panse. Les bourgeois étaient consternés. On entendit alors une voix jeune et pure sortir des coiffes de la comtesse. « Doux seigneur, je vous prie de prendre ces pauvres gens en pitié et de leur accorder leurs demandes. » Le comte fut presque aussi surpris de l'intervention qu'il avait été de la requête. Miracle. Lady Godiva avait osé parler. C'était la journée aux événements. Il n'en fit que rire de plus belle. « Remettre mon péage ? Non, mamie, je ne le ferai point. » « Remettez-le, mon doux seigneur, pour l'amour de moi. » Elle s'était agenouillée, levant vers lui son frais visage, et le riche, la sachant si pudique, pensa énoncer la chose au monde la plus impossible. « De par Dieu, je ne le ferai pas, que vous ne vous alliez promener à cheval, nu comme un enfant qui vient de naître, d'un bout à l'autre de Coventry. » Lady Godiva baissa la tête toute confuse, tandis que les officiers se réjouissaient de l'esprit du maître. Parmi les rires et les chuchotements, on entendait les sanglots des bourgeois. La face sur les dalles, ils s'abandonnaient au désespoir. Tout à coup, Lady Godiva, se redressant, « Le Seigneur Christ a bien été mis sur sa croix pour nos péchés, » dit-elle. « Je ferai ce que vous dites, s'il le faut, pour sauver ces gens. » Le riche resta très marri d'avoir lâché son imprudente parole. Mais c'était chose dite. Il ne pouvait plus compter que sur les répugnances de la dernière heure. Et connaissant sa femme, il les croyait insurmontables. Il renvoyait donc les bourgeois en disant « Allez, le péage vous sera remis si la comtesse se soumet à ma condition formelle. Encore faut-il que son cheval ne hennisse tout le temps qu'il la portera. » Les pauvres hères partirent, se pensant bien condamnés sans appel. Et dans Coventry, quand on sut la nouvelle, chacun se dit que tout était perdu. « Comment croire que si noble et si chaste dame pût se soumettre à telle honte pour sauver de simples manants? Personne n'avait d'espérance. Il y avait alors au coin de Hertford Street un petit bossu nommé Tom le tailleur à cause de sa profession. Jadis, au bon temps où Coventry florissait, Tom était tout le jour sur son établi, les jambes croisées, cousant activement des chausses et des sailles, et jetant de temps à autre un regard dans la rue pour voir les passants. Il avait dans ce but percé dans son mur à hauteur de tête une sorte de créneau, car les maisons n'avaient pas encore de vitres. Cette manie l'avait fait surnommer Peeping Tom, Tom qui regarde à la dérobée. Mais depuis la famine, Tom n'avait plus gardé d'étoffe à coudre ni de points à aligner. À peine quelques vieils habits à rétrécir à mesure que ses clients devenaient plus maigres. Il passait donc ses journées à flâner dans la ville, discutant les nouvelles et parfois les fabricants. On peut penser s'il se faisait faute de bavarder sur l'événement du jour. Il avait à cet égard une théorie personnelle, et l'eut bientôt répandue aux quatre coins de Coventry. « Toute la question, disait-il, est de savoir si Lady Godiva est bien ou mal faite. Dans le premier cas, Coventry sera sauvé. Dans le second, je ne donnerai pas un farthing de nos chances. » Peeping Tom ne croyait évidemment pas beaucoup à la vertu des femmes. Il avait vu tant de choses par la fente de son mur. Quoi qu'il en soit, dès le lendemain, Coventry fut joyeusement surpris d'entendre annoncer à son de trompe que Lady Godiva voulait bien se soumettre à l'épreuve. Les cloches devaient en annoncer l'heure, et il était enjoint à tous les habitants de s'enfermer dans leur maison pendant l'héroïque promenade. Quiconque hasarderait un regard indiscret serait impitoyablement mis à mort. C'est le riche lui-même qui avait introduit cet article en voyant Lady Godiva résolue à sa chevauchée. Il tenait bon pour la condition principale, mais ne se souciait pas de pousser la sottise jusqu'à montrer sa femme à la ville entière. Le moment du sacrifice arriva. Les cloches de la ville, sonnant à toute volée, firent clore portes et fenêtres. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les rues furent désertes et Coventry sembla une ville morte. Cependant, le passage voûté du château s'était ouvert au-dessus du pont-levis. De cette ombre, en plein jour, au soleil radieux, un cheval noir sortit, portant sur ses reins nus une blanche forme féminine, nue elle aussi, ou du moins enveloppée, seulement de ses cheveux d'or. Elle en avait tant qu'elle en était comme habillée. Au grand galop, le cheval descendit le chemin de ronde. Il entra dans la ville muette et la parcourut d'un bout à l'autre. Les bourgeois en prière écoutaient avec ravissement ces quatre fers bénis résonnant sur le pavé. Un seul, Peeping Tom, eut une pensée mauvaise. Cédant à la curiosité, il jeta au passage à travers son créneau un regard impie sur la sainte vision. Ébloui aussitôt par une lumière surnaturelle, il fut sur l'heure frappé d'aveuglement. Au même instant, le cheval de Lady Godiva, averti par un instinct secret, se mit à hennir. La course achevée, la porte du château se referma sur la comtesse et les cloches annoncèrent à la ville qu'elle était sauvée. Le riche, fidèle à sa parole, envoya Peeping Tom à la potence et remit le péage. Seulement, en saxon qu'il était, il profita de ce hennissement unique pour maintenir le droit sur les chevaux. Mais les bourgeois de Coventry, aussi retors que lui, firent désormais leur transport à dos d'âne. La charte d'affranchissement existe encore. Elle est écrite en caractère gothique, et l'on peut en traduire ainsi le préambule barbare « I, le riche, for the love of thee, to make Coventry toll-free. Moi, le riche, pour l'amour de toi, exempte Coventry de l'octroi. » En l'an 1043, le riche et Godiva fondèrent une abbaye de bénédictines à la place de celle où la comtesse avait été élevée et que les Danois venaient de détruire. Le couvent fut dédié à la Bienheureuse Vierge, à Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Osbruge. Il fut doté de 24 métairies. C'est là que les deux époux furent inhumés. Aujourd'hui, il ne reste plus trace de l'abbaye ni du tombeau. Mais le souvenir de Lady Godiva est toujours vivant en Grande-Bretagne. Qui nous dira si cette histoire épique ne se trouve pas au fond de la haine innée qu'on porte en pays anglais aux octrois et aux douanes. Lady Godiva, avant Smith et Cobden, a été l'apôtre du libre-échange, et l'école de Manchester lui devrait peut-être une statue. Au coin de Hertford Street, on voit dans une vieille niche une tête grimaçante qui représente Peeping Tom, et tous les ans, à la foire de la Trinité, les enfants de Coventry promènent dans la ville une effigie de la douce comtesse. par une concession singulière à la pruderie moderne, cette effigie porte un jupon. C'était la légende de Godiva par Philippe Daril.